Au jeton déséquilibré qu'il aurait fallu avorter. Le gribouillis indélébile sur la forte. Malicieux butin, sans attribut rupin. À l'ouest à l'unanimité, à l'issue du scrutin. But en mollasson largué par la cadence. Appréhendé comme un candidat disqualifié d'avance. Traînant un parfum de sanitaire masqué par la lavande. Comme les charlatans qui raffinent la marchandise et la vente. Ou ceux qui cumulent des bavures et distribuent des amendes. Pour une mise à l'amende, user de l'étiquette ou de l'uniforme. En pâtir après des représailles au tournevis cruciforme. On est torché comme un athlète sans contrat ni vestiaire. En émoi à chaque anniversaire. Et pompé quand la communauté rallie ses frères. Devenir votre antagoniste, à force d'être un protagoniste. Devenir votre antagoniste, à force d'être un protagoniste. Un folklore laissant les ennemis sceptiques. Lorsque je trépide comme un épileptique. Avec un chat dans la trachée. Beaucoup de venin à cracher. Tes compositions sinistres par un interprète si triste. On est torché comme un athlète sans contrat ni vestiaire. En émoi à chaque anniversaire. Et pompé quand la communauté rallie ses frères. Devenir votre antagoniste à force d'être un protagoniste. Devenir votre antagoniste à force d'être un protagoniste.